بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثلاثون 30e leçon. 30e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المتبعون بإحسان إلى يوم الدين أما بعد المرة الأخيرة توقفنا أين؟ أظن العاشر عشر توقفنا أخذنا كأن ثم توقفنا سايتوجس أيوة سايتوجس نعم ويقول استعمل الكلمات التالية في جملة في جملة مفيدة. طيب. يحبو. يحبو الله على خلقه نعم كثيرة. نعم. متعة. متعة أو متعة؟ مو الضم الميم القراءة متعة للنفس نعم فتاك كتاب أهل الأهواء سلاح سلاح سلاح فتاك بلبلة ناقد ما درست نواقد الإسلام خلاص الناقد والمفرد كثرة ناقد يبلبل الطالب كيف سا beaucoup de contradictions ça c'est un ناقد contradiction c'est je voulais dire beaucoup de contradictions ça perturbe c'est un ناقد contradiction et pas ناقد مسموم الفلاسفة مسمومة للإسلام لا لا مسموم نشوف كي أتت البوزن chose empoisonnée. Alors je l'inverse. Al-Islam, Masmoum, mais il parle à Saba. La phrase dans le dans la construction elle est correcte, mais le marna, l'islam il n'est pas empoisonné par Saba. Donc là on dirait que l'islam est empoisonné. Tu vois, par la philosophie. Non, il n'y a pas là. Là. Salam. Il recoule, hein. Il recoule, même sous sa vie. Même sous sa vie. Bill Fala, c'est ça? plutôt elle, la falsafa. Masmouma. Fikrun Masmoum. La philosophie, c'est une idéologie empoisonnée. Non. Abad. Abad Allah comme le Tahirin. Non. Naïn. Je sais pas d'où il sort celui-là. Hein? Il n'est pas dans le vocabulaire celui-là. Naïn. Je me rappelle pas. C'est loin. C'est lointain. Naïna, Naïn. Si, si. Aïe, ouais, ça. On te l'offre. Naïna et Naïn. Aïe, ouais. Ah, là-bas. Arsène. Kuntu kod nasi et tout. Ardun. La largeur. Comment tu as dit ard? Parce que j'ai pas. Largeur. أخذناه في النص في المناظرة بين البحر والنهر. البعض البعض العرض العرض البحر. لا. عشان في الغرق كيفبت. عرض عرض البحر. أيوة. أعرض من عرض النهر. لا دي البحر فقط أعرض من النهر تدي عرض البحر أوسع من عرض النهر أما عرض البحر أو أعرض بكذا كذا لا c'est une phrase maladroite. Tu dis la largeur de ça est plus large que ça. Tu le dis pas. Taujihun. Yamurul Mas'oul. Taujihun Munasaba. Yamada. Yamurul Mas'oul. Mas'oul. توجي مناسب ب بتوجي مناسب نعم الفعل أمر في هذا الحال يعني تعدين ب فجر ب ليس دائما دائما مثلا جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أمر أبا طلحة il a ordonné أبو طلحة Mais quand tu ordonnes de faire une chose, t'amuru bi, kaza wa kaza wa kaza. Dullum. Jullu waqt al-alim fi kutubihi. Jullu waqt al-alim. يقضيه في كتبه يعني la plupart du temps du savant il la passe il le passe plutôt dans ce livre يقضيه طيب الحادي عشر يقول أجيب عن أسئلة التالية أيهما تفضل قراءة الصحف والمجلات أم الكتب كيف تشوف فيها la lecture dans les journaux et magazines ou dans les livres تفضل الكتب نعم ثانيا ما هو آخر كتاب قرأته كيلو دانيال ليف كتوالي منذ ما أصلت من مؤلفه كي صنوتا شارع ثيمين المنظومة في قواعد الفقه العثيمين لا منظومة قواعد الجامع الفقه والأصول أيوه الذي درست مع منير نعم سبسك كنت في زمان هذا نفع نعم أنا أبقي في أول دو شهيد نعم ولا بارك سبسك السعدي على أوساخ كل شخص ما موضوع الكتاب c'est quoi le sujet du livre قواعد فقه والأصول ما الفائدة التي استفدتها منه quel profit en as-tu tiré on va dire تقدم المصلحة على المفسدة تقدم المصلحة على المفسدة تفخاز شخص باك فائدت من كتاب استفدت استفدت من هذا الكتاب أن تقدم أن تقدم وأن تقدم المصلحة على المفسدة. طيب là tu es en train de dire que j'ai profité de ce livre que on fait prédominer un bien sur un mal. Ouais. C'est ça la faïda. Hein? Il a demandé une faïda. Ben ça c'est un truc. Mais ça c'est pas plutôt daf. المفسدة تقدم على جلب المصلحة. بس كده كنت أفهم ديالنا، كل الناس لفه. كل الناس في ده ده وصل بيا سر عمل. alors que la corrida c'est plutôt que le fait d'éviter un mal est prédominant sur le fait de tirer un bien. c'est pas plutôt ça que tu veux dire? إذا تساوى تساوى المصالح إذا تساوى ضرر ومنفعة تقد يكون يكون يكون ممنوع مش بس يكون ممنوع مش بس يكون ممنوع لدرء للمفسدة أيوة c'est ça que si jamais t'as plein d'intérêt ou quoi D'accord. Toi, ce que tu mets en prédominant, c'est ce qui fait éviter un mal. Dans le mafsada, c'est ça que ça veut dire. Éviter un mal, prédomine sur le fait d'apporter un bien. Azaou. Aïe no'in el kutub tuhibbu kira'ataha. Quel genre de livre est-ce que tu aimes lire? Tariq. Kutub tariq. إذا قرأت كتابا وأعجبك فماذا تفعل؟ شو لي ألي بكتاب لي؟ كيف تشوف؟ أكتب الفوائد أكتب فوائد فوائده لا دفتر. أكتب فوائده فوائده مفعول به في الدفتر نعم تكتب فوائد dans le cahier لماذا تسجل كل ما ترى أنه مفيد. Pourquoi est-ce que tu notes ce que tu vois? Aïe. Aïe, pourquoi tu notes ce que tu vois comme étant profitable? لأن الكتابة من الحفظ من أسباب الحب. De causes qu'il faut mémoriser. C'est écrit, l'écriture c'est la mémorisation. L'écriture c'est parmi les causes de la mémorisation. Ah, c'est par rapport à toi dans le Qaniya, Adab. Adab, le Sadr, Adab, le Kitab. Ça j'ai rentré dans ça. Non. Et c'est quoi? Et donc en fait, ma demande de ce qu'il a compris, c'est. Donc le kita, la Kitab, c'est le Hibs. Hibs de la. Non, ce que tu veux dire par là, c'est que le, ce que tu as écrit, ce que tu as mémorisé directement, ce que tu as écrit, est plus fort. Ah. Ouais, par exemple, quelqu'un qui vient avec son doftor, il lit le hadith et le hasanid qu'il a pris, sera plus fiable que celui qui vient qui sort de sa tête. Parce que, comme on dit, Al-Hifz Khawan, la mémoire peut jouer des tours. Alors, ce que tu as écrit, c'est là. À part si tu as mal écrit, tu as dit. Tu vois. Mais à la base, la lecture dans le Deftar directement est plus fiable. Et quand il dit Hifz al-Kitaba, il parle le fait de ce que Hafiza Yahfazu, c'est pas que mémoriser, c'est retenir une chose. La garder avec toi. C'est-à-dire que tu as gardé ses favoris dans ton Deftar. Et non pas tu les as mémorisés. Tu peux dire Hafistu Hada fi bayt. J'ai gardé ça avec moi dans la maison. Ça veut pas dire que j'ai mémorisé. Si je les garde avec moi. Mais quand on dit Hifz tout seul comme ça, ça s'applique aussi sur la mémorisation. Mais c'est pas un mot qui est lié que à ça. C'est tout ce qui apporte, qui a un trait au fait de garder quelque chose avec toi. Que ce soit dans ta poche, dans ta mémoire, soit dans ta valise, soit dans ta maison. Hada. Quand est-ce que tu reviens à ce que tu as noté? En temps libre. لماذا تحتفظ بالمجلات والصحف والكتب? Comment traduire تحتفظ? يحتفظ. Ah, dis à chaque fois que là, celle-là. T'as écrit quoi, toi? Moi, j'ai pris le. Même si c'était. Hafiza? Ouais. Mais tu peux pas, il y a le bi, justement. Quoi, tu veux dire, pourquoi tu mémorises dans les journaux, et les magazines et les livres? Je crois pas qu'il y ait des gens qui mémorisent. Parce que là, il y a le Hafojar qui est là. C'est lui qui me perturbe. Le bi là. طيب خلي on saute la barrière. Hadi 10. هل تختار الكتب التي تريد قراءتها وحدك? Est-ce que tu choisis toi-même tout seul les livres que tu veux lire? ثاني عشر ما الفرق بين الكتاب الجيد والكتاب الرديء كي هي الديفيرنس انتر لو بون ليفر لو ليفر لو موفا الكتاب جيد مبني على كتاب وسنة على فهم السلف والكتاب الرديء مبني على الهوى على ايش على الهوى نعم que le bon livre est basé sur le livre à la sunna avec la pensée des salaf et le mauvais livre est basé sur les passions. Al-Hawa wa al-Jahl. Uzkur thalatha hurubin tumathilu harb al-kutub. On va laisser tomber ça. La traduction c'est quoi? Cite trois guerres qui ont lieu qui représentent la guerre des livres. L'une des plus grosses, c'est ce qu'ont fait les Tatars lorsqu'ils ont tout brûlé. Par exemple, à Bardad, ils ont brûlé toutes les nakatibs et tout, ça par exemple. Non. Et là, c'est pas une guerre contre les Koutoubs, c'est une guerre contre l'islam, de façon générale, ouverte. Quand ils ont tout pillé, tout saccagé. Ça, ouais. Il y a eu des pertes énormes. Les ulama disent des manuscrits, des pertes énormes des Koutoubs. Aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Il y a des livres, des fois, que les ulama ils citent, ils sont introuvables. Ils sont perdus, ils ont été brûlés, ils ont été ceci, ça. Mais leur but, c'était pas venu pour brûler les Koutoubs en soi, ils sont venus pour détruire les musulmans. Donc, tout ce qui est sur leur passage, ça y passait, et entre autres, les livres. الثاني عشر اكتب اربع جمل مفيدة على ما يلي الكتاب صديق وفي que le livre est un ami fidèle. كيف أشعر القاري مع الكتاب؟ ما فهمت. يبقى معه أو يبقى معه؟ يبقى القاري مع الكتاب؟ يبقى الكتاب مع القاري؟ كنت أدي أشعره ذي بيو؟ وكذي قاروا سوى لي المرقاز وكذي شو أصفر إلا عند الانتقال كنت دي مناج سبتونا ملي Quand tu déménages, les livres, ce n'est pas tes amis. Ils sont lourds. Il y en a beaucoup. Kefa tastarillu waqt al-farar. Comment tu utilises ton temps libre? J'utilise pour faire la sieste. Bad al-Mufsidin yastaghilun al-kutub. Ahamna kalimat ahsan min hada. Ma hiya? On a pris un mot plus précis. Dans le sens que tu veux dire, il a trouvé un terme qui était plus approprié. Tu dis, il rend, il. C'est quoi le verbe en arabe qu'on a pris? Qui est vraiment utilisé pour ça? Dessa yadussu. Aïe. Dessa al-mufsidun. Afkarihim fi. Afkarahum. Afkarahum fi. Al-kutub. Naam. Un seul sachard, tu l'as fait? Tu t'es réussi à te dépêtrer? J'ai fait un peu. C'est un peu. Je vais essayer. Mais je vais dire que je vais dire que je vais dire donc explique les phrases suivantes avec d'autres phrases qui reflète son sens exact. Dans le nefsi, non, c'est nefso. Mada jelou l'wakt wa lam yantabi min al-amal. Il a passé tout son temps sans prendre garde au temps. Alors, ça prend le gars au travail après. Moi j'ai coupé. وقته هل يفرغ وقته بفلده وقته في العمل En fait, c'est plutôt le... Non, le plus grand du temps est passé et n'a pas fait attention au travail. Mais ça, le... Vous voyez, le plus grand du temps est passé, beaucoup de temps est passé, sans qu'il ne se rende compte de son travail, du travail. Et tu peux dire, مثلاً, مَشَ الْوَقْتُ عَلَيْهِ دُونَنْ يَنْتَبِي Oh, ils ont déjà dit يَنْتَبِي دُونَنْ يُكْمِلْ عَمَلَهِ Que le temps est passé sans qu'il ne complète son travail. Thanien, قرأت سيرة حياته ذات الثمانين عاما في ساعة فقط. J'ai lu sa biographie, on va dire, de 80 ans en 2 heures seulement. هل كتبت شيئا في ذلك؟ الوقت الكتابة أطول من وقت القراءة. لا، c'est quoi le ما هو العلاقة؟ تبى تفكر la phrase là. Et tout le monde dit en fait cette phrase là tu la reprends. Avec une autre phrase ayant exactement le même sens. Bref, par exemple, tu pourrais dire Qira'at kitab Qira'at kitab Yakussu hayata Tul 80 aman Ma khaza alayhi min alwaqt ila sa'atayn. Le fait de lire un livre de sa biographie qui a duré 80 ans ne m'a pas pris plus que 2 heures. Là, c'est marrant. Ma phrase à moi est un peu plus longue, mais bon. وَظَلَلْنَا سَاعَتْ اَتْتِوَالْ نَنْتَذِرُوا خَبَرْ مِنِ الْمَعْرَكَ Nous avons passé des heures longues à attendre des informations, des nouvelles sur la guerre, ou les combats ou les conflits. T'as pas trouvé? Tu peux dire ma salène? En fait, ce monsieur, c'est dans l'alna. C'est une. Ah, ouais. Mazelna. Madumna. Aoudumna. Tu peux dire ma salène? Kunna muntazirina. Wokten tawilan. Andiatiana. Khabaroun. Anil harb. Je crois que dans l'alna, parce que c'était long. Ça m'a posé problème. Là. Zalla, c'est rester ou demeurer ou dans ce sens-là. L'anna zalla aakifin hatta erja ilayna Moussa. Nous n'avons pas cessé de rester par rapport à cette divinité jusqu'à ce que revienne Moussa. Bakasna lahzatan fi a'maq al-munkhafidat thumma stanafna al-su'ud. Nous sommes restés un temps le plus profond des comment on avait dit Munkhafadat, on a dit les bassins, mais là ça serait les parties basses, tu vois, je sais pas de quoi il parle, dans les profondeurs. Ensuite nous avons repris la montée, c'est un affaire, c'est recommencer, reprendre une chose. C'est le Munkhafad. نعم يصعب علينا أن نعيش في الصحراء جدباء. Il nous est difficile de vivre dans un désert aride. الحياة في الصحراء به مشقة. نعم بس فيها مشقة. Le حياة يرجع إلى من وإلى ماذا؟ إلى الحياة، والحياة مؤنث. قبلت توجيه أخي الأكبر بكل سرور. Que j'acceptais la directive de mon grand frère, mon plus grand frère, on va dire, avec joie. Atti'u ou ti'u. C'est ato'a, c'est un ruba'i. Ato'a yuti'u. Wa man yuti'i Allah wa rasoulah. C'est you. Non. Bon sens. La tastaghilla wazifatak fi dhulm al-akhadin. N'utilise pas ta fonction, ton emploi, ton travail, pour causer de la justice aux autres. كيف ايش كتبت ايش لا تظلموا من تحت تشبهوا مثلا ماذا لا يظلموا من تحته ouais mais c'est pas le même معنى exact que la phrase. مثلا تقول لا تتخذ عملك وسيلة للظلم الآخرين. Ne prends pas ton travail comme un moyen de léser les autres, les droits des autres. وهكذا. طيب. بهذا كملنا الدرس الخامس عشر. ما رأيك ندخل أو نقف هنا؟ نقف ها هذا الرابع عشر نتركه صح عفوا كتاب المفسد كالذي يدس السم في العسل دونك لو ليف كوربتور اتل celui qui met du poison dans le miel. كتاب المفسدين كتاب المفسدين ظاهره حق وحقيقته باطل وباطنه وسيزي ظاهره رحمة وباطنه عذاب. نعم son apparence est une miséricorde renfermant un châtiment une punition. عذاب رزقكم الله البنين الصالحين كان الله ذكر لفيس لفيس بيو لا مش بس بس عن دعاء وسعى خبر ou ce serait qu'Allah vous accorde des fils pieux ou Allah vous a accordé des fils pieux. Je ne sais pas si là il veut le sens du'a, le sens de l'irbar. Allah a'lam. Parce qu'il n'y a pas de karina qablaha, tadulu ala al-maqsoud. Est-ce que tu as dit? كيف أن الله لوين يسعر دو يا قوة دفن أن الله يعطيكم أولاد صالحين في قوة سؤال توكيد قوة حرف توكيد أن الله طيب ما الفرق بين إنا وأنا هل ايوه inna yatifi awal kalam wa anna yatifi athna al kalam. Donc tu peux pas dire anna, tu commences pas par anna, c'est forcément inna. Inna Allah yu'tikum awladan salihin mustaqimin. نعم طيب خلاص افضل نقف هنا حتى تستعد للدرس الاتي. لديك سؤال؟ لا. فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. مع تحيه دمام افاف.com.